Vice français. Ce roman a eu des aventures en Amérique qui, me semble-t-il, peuvent être contées, sinon pour leur intérêt propre, au moins pour le jour qu'elles ouvrent sur la façon dont certaines personnes comprennent, de l'autre côté de l'océan, la probité. Vice français paru en France en 1887 et peu de temps après en Angleterre, dans une traduction autorisée par moi sous le titre de José. Car il était bien certain que si l'on avait mis en vente dans une librairie anglaise un livre portant sur sa couverture l'équivalent de Vice français, pas une main d'anglais des classes ne se serait allongée pour le prendre, pas une bouche n'aurait pu s'ouvrir pour le demander. Tout le monde sait qu'en Angleterre il n'y a pas de vice, et personne ne peut avoir la curiosité de connaître ce qu'inventent les Français. Tandis qu'avec José, les convenances étaient sauvegardées, on était censé ne pas savoir ce qu'on allait trouver dans le livre qu'on achetait. Comme il n'y a pas qu'en Angleterre que règne la pruderie et l'austérité puritaine, je ne m'étais pas donné la peine d'accomplir aux États-Unis les formalités ennuyeuses, autant qu'encombrantes, exigées dans ce pays pour la protection de la propriété littéraire. Qui diable pourrait avoir l'idée d'y traduire Vice français, même sous le titre de José? Je ne l'imaginais pas du tout dans la patrie des prudes Arsinoé. Je fus donc extrêmement surpris quand on m'écrivit qu'une traduction de Vice français avait paru à New York sous un titre arrangé, et même, je ne le crus pas, il y avait erreur, confusion. Mais bientôt, quand je reçus le volume américain, il fallut se rendre à l'évidence. « Through Troubled Waters » par Mr. Francis J. E. Darr était bien la traduction de Vice français exacte, complète, chapitre par chapitre, 14 dans mon roman, 14 dans la traduction, paragraphe par paragraphe, aussi fidèle que peut le souhaiter l'auteur le plus exigeant, à cette seule exception près que les noms de mes personnages avaient été remplacés par d'autres, sans autre raison que de masquer le vol et de dérouter les recherches. Bien que je me sois fait une règle de ne jamais réclamer à propos de plagiat, cette fois il me sembla que l'affaire était assez amusante pour présenter un certain intérêt, et j'écrivis pour la publier dans le Figaro, qui est l'une des Américaines, la lettre que voici. On dit les Américains forts, très forts. Je viens une fois de plus de m'en apercevoir. Il y a quelques années, je publie un roman, Vice français, qui est une histoire anglaise se passant dans le monde politique. Une traduction autorisée par moi apparue à Londres. Plus pratique que les Anglais, les Américains publient à leur tour cette traduction à New York sous le titre « Through Troubled Waters », histoire fondée sur un fait d'après le français. Mon nom est supprimé, les noms de mes personnages sont changés pour dérouter les recherches, et l'auteur de ce joli travail signe Francis Darr. Permettez-moi, je vous prie, la puissante voix du Figaro pour crier au voleur. Tout ce que je veux et peux faire. Hector Malot, 4 décembre 1894. Et comme je le disais dans cette lettre, j'en restais là, ne voulant pas pousser les choses plus à fond, bien certain à l'avance que je n'aurais jamais raison de ma voleuse. Je l'avais fait connaître, cela me suffisait. Mais elle ne voulut pas en rester là. Et c'est par sa réponse qu'elle imprima à notre différent un intérêt qui, sans son intervention, lui eût manqué. Puisque, malgré le changement de titre et le changement de nom des personnages, on avait découvert que « Through Troubled Waters » n'était que la reproduction fidèle de Vice français, il devenait impossible de nier cette reproduction. Mais ne pouvait-on pas l'expliquer ou la justifier? Je ne sais pas ce qu'un Français aurait inventé en pareille circonstance, ni un Anglais, ni un Allemand, ni un Italien. Mais dans la vieille Europe, il est reconnu que nous manquons d'imagination, tandis que dans la jeune Amérique, on sait se retourner, trouver. Et Mrs. Francis J. R. Darr est très jeune Amérique, de même le sont aussi les différents journalistes de New York qui voulurent bien l'aider dans sa défense. La voici, cette défense. Qu'est Vice français? Un roman basé sur un fait. Or, un fait appartient à tout le monde. Nous avons donc pris ce fait comme nous en avions le droit. Il faut avoir la susceptibilité d'un Français pour trouver dans une chose aussi simple un sujet de plainte. C'est un argument, cela, et est triomphant. Mais peut-être ne l'est-il pas autant que vous feignez de le croire pour les besoins de votre cause. Car enfin, l'abbé de Walter Scott repose aussi sur un fait, l'emprisonnement de Mary Stuart dans le château de Lochleven. De même, la reine Margot d'Alexandre Dumas repose sur un autre fait, l'intrusion de la Mole dans la chambre de la reine de Navarre. De même encore, cent autres faits, 1000 autres, ont donné naissance à des romans. Pour cela, en résulte-t-il que vous avez le droit de prendre le roman de Walter Scott ou de Dumas et de le publier sous votre nom. Mon fait, celui d'où est parti Vice-Français, tient dans 10 lignes, 15, si vous voulez, et c'est un roman de 410 pages que vous avez pris, de la première ligne à la dernière, en remplaçant le nom de l'auteur par le vôtre. Pour qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, je donne les titres des 14 chapitres qui forment les deux romans. Vice-Français, chapitre 1er, mari et femme. Through Troubled Waters, chapitre 1er, husband and wife. Vice-Français, chapitre 2e, maison tranquille. Through Troubled Waters, chapitre 2e, A Quiet House, etc., etc. On remarquera qu'excepté là où il y a des noms de personnages, la traduction est d'une fidélité rigoureuse qui prouve combien l'auteur, américain et moi, nous nous ressemblons dans notre manière d'emprunter un roman à fait et d'en comprendre le développement. Depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai vu bien des faits de volerie littéraire dont je ne me suis jamais plaint. J'ai vu les Américains, toujours les Américains, traduire un de mes romans à mesure qu'il paraissait dans un journal de Paris, puis, pour arriver bon premier, inventer un dénouement à la place du mien qu'ils ne connaissaient point et publier ainsi leur livre de l'autre côté de l'Atlantique avant que le mien fût mis en vente à Paris. J'ai vu, au moment du procès de Pranzini, un journal de Madère publié sous ce titre, Pranzini et signé de mon nom, un roman auquel je n'avais pas collaboré, mes lecteurs ordinaires n'en douteront pas, j'espère. J'ai vu, je vois tous les jours, les éditeurs hollandais prendre nos romans sans notre autorisation et sans rien nous payer, mais pour s'assurer la propriété exclusive en Hollande, payer un droit à une caisse qu'ils ont fondée entre eux et dont ils se partagent les produits. Cependant, je n'ai rien vu d'aussi caractéristique que la prétention américaine à propos de Vice-Français. C'est pourquoi j'ai dit comment elle s'était produite.